Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. De la tempérance, suite. Partie potentielle de la tempérance ou vertus qui lui sont unies, la continence, etc. Explication. Les parties potentielles de la tempérance, indiquées seulement précédemment sont. Premièrement, la continence, qui a pour opposé l'incontinence. Deuxièmement, la clémence et la mansuétude, auxquelles sont opposées la colère et la cruauté. Troisièmement, la modestie et ses différentes parties. Nous parlerons de cette dernière vertu, d'abord en général, et ensuite de chacune de ses différentes espèces. Nous examinerons premièrement l'humilité, et l'orgueil, qui lui est opposé, ce qui nous donnera lieu de revenir sur le péché du premier homme. Secondement, l'amour de l'étude, et le vice opposé, qui est la curiosité. Troisièmement, la modestie dans les mouvements du corps, et dans l'appareil extérieur. Nous terminerons par l'examen des préceptes qui concernent la tempérance. Question 155. Des parties potentielles de la tempérance, et d'abord de la continence. Nature de la continence. Sa matière. Son sujet. Son rapport avec la tempérance. 1. La continence est-elle une vertu? La continence se prend dans deux exceptions. Signifie-t-elle la privation de tous les plaisirs de la chair? La continence parfaite se trouve principalement dans la virginité, et secondairement dans la viduité. Dans ce sens, elle est une vertu. S'entend-elle seulement de la résistance aux penchants les plus déréglés de la concupiscence? Dans cette signification, elle participe de la vertu, en tant qu'elle affermit la raison contre la violence des passions. Mais elle n'arrive pas à la perfection de la vertu même, qui assujettit si bien l'appétit sensitif à la raison que les passions violentes n'osent plus se révolter. 2. La continence a-t-elle pour objet la concupiscence des plaisirs du toucher? La continence et l'incontinence ont pour objet, comme la tempérance et l'intempérance, les plaisirs du toucher, mais les jouissances de la chair étant plus violentes que celles de la table, la continence s'entend ordinairement des plaisirs de la chair. 3. La continence a-t-elle son siège dans la puissance concupiscible? La continence a son siège, non dans la puissance concupiscible, mais dans la volonté. Le concupiscible, même dans l'homme chaste, a des propensions dépravées. La différence entre l'homme continent et l'incontinent, c'est que, quelle que soit la violence des tentations, le continent suit la raison, tandis que l'incontinent s'abandonne, malgré la raison, aux sensations de la chair. Voilà pourquoi la continence a pour sujet la volonté, qui choisit entre la résistance ou le consentement à la concupiscence. 4. La continence est-elle meilleure que la tempérance? Si Cicéron unit la continence à la tempérance, comme une vertu secondaire à une vertu principale. Parle-t-on de la continence qui s'abstient de tous les plaisirs de la chair? Celle-là est autant au-dessus de la tempérance que la virginité l'emporte sur la chasteté proprement dite. Parle-t-on de la continence qui consiste dans la résistance de la raison aux mauvais désirs? La tempérance a la supériorité sur la continence, car la raison a plus de force dans l'homme tempérant, qui a dompté l'appétit sensitif, que dans l'homme continent, dont l'appétit sensitif se soulève avec violence contre la raison par les mauvais désirs. Note. Il vaut mieux que la raison domine tout à la fois la volonté et la faculté concupiscible, comme chez l'homme tempérant, que de dominer seulement la volonté, comme il arrive dans l'homme continent. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.